Chapitre 13e. Désagrément pour Sir Gaspard. Pendant que Pensford s'acheminait vers son logis, sous un ciel glacé de décembre, Sir Gaspard, assis dans son fauteuil favori, sous l'ombre du dieu des mers en courroux, dormait du paisible sommeil d'un sybarite, bercé par le monotone tic-tac de la pendule et les gémissements du vent d'hiver qui s'engouffrait parmi les chênes et qu'on entendait faiblement à travers les doubles fenêtres à glace. Le baronnet s'agita légèrement dans son fauteuil, avec un mouvement de mauvaise humeur, quand un domestique entra dans la chambre et posa une lettre sur la table. Mais il n'ouvrit pas les yeux jusqu'à ce que le même homme apportât une lampe à abat-jour et la plaça au centre de la main de journaux et d'écrits périodiques à portée de la main de Sir Gaspard. « Quelle est cette lettre là-bas, sur la table ? Soyez assez bon pour me la donner, Jarvis. » Quoique je ne mette pas en doute que ce soit quelque chose de désagréable, murmura le baronnet. Quel énorme cachet! Pourquoi, au nom de tout ce qu'il y a d'absurde, tant de gens donnent-ils à leurs lettres l'apparence d'un ordre d'exécution? Qui a porté celle-ci? Demanda Sir Gaspard, étendant languissamment la main pour recevoir la missive. On ne l'a pas apportée, monsieur. Le domestique de M. Pensford me l'a donnée quand il a quitté l'abbaye. Quand il a quitté l'abbaye? Que voulez-vous dire? La lettre vous l'expliquera, je crois, monsieur, d'après ce que m'a dit le domestique de M. Pounceforth. Il est parti à 3 heures, monsieur, et Millward s'en est allé un peu avant 4. Oh, très bien, murmura Sir Gaspard avec un triste bâillement, tandis que le valet quittait la pièce. M. Pounceforth est libre de s'en aller quand cela lui fait plaisir. Diogène a trouvé notre société insupportable, et il est retourné à son tonneau. Le malheur est que ce Diogène est véritablement un homme agréable et qu'il me manquera. Malgré tout, il me reste la charmante veuve. Je me lave les mains du départ de Diogène et je retombe sur la veuve. Voyons ce que le camarade dit pour s'excuser. Il déchira l'enveloppe et lut l'épître suivante. Mon cher Sir Gaspard, il m'est particulièrement désagréable de fuir votre hospitalité dans un jour comme celui-ci, quand la sainteté qui règne toujours dans un paisible foyer multiplié au centuple par les souvenirs que ce jour ramène avec lui. Je quitte votre maison bien à contre-cœur, et je le fais parce que vous avez sous votre toit une visiteuse dont la présence y rend la mienne impossible. Quand vous avez prononcé le nom de Madame Harding avant de me présenter à elle, je ne soupçonnais pas l'avoir jamais rencontrée, mais quand je la vis, je reconnus en elle une femme dont la vie m'était intimement connue il y a quelques années, une femme qui n'est pas une compagne convenable pour votre fille, puisque c'est une femme qui a quitté son mari, une mère qui a abandonné son enfant. C'est à cause de Mademoiselle Denison que j'écris cette lettre. Si vous eussiez été seul dans le monde, j'aurais pu rester en paix et supporter que cette femme attendît le moment où vous découvririez vous-même le secret de ses antécédents. Mais vous auriez le droit de me demander un compte sévère de ma conduite, si je permettais à Madame Harding de rester sous le toit qui abrite votre fille. Je ne frappe pas votre visiteuse dans l'ombre. Vous avez toute liberté de communiquer cette lettre à Madame Harding, et de lui demander si elle accepte ou si elle nie mes accusations. Si elle souhaite me voir en votre présence, je soutiendrai fermement ce que j'ai avancé, mais je n'en dirai pas plus. Et refuserai de donner aucun détail plus intime sur les grands faits que j'ai constatés. Je dois ajouter aussi que je n'ai pas de preuves à donner pour confirmer mes accusations contre cette dame. Je vous demanderai seulement de croire en ma parole comme en celle d'un gentleman, et je pense que vous me connaissez assez pour savoir que je ne vous aurais pas écrit cette lettre si je ne m'étais pas cru obligé à le faire. Je quitte votre maison, mon cher Sir Gaspard, avec un profond regret. Les circonstances de ma vie m'ont interdit d'avoir un intérieur à moi, et le seul foyer auquel j'ai pris place a été obscurci par l'ombre d'une femme, sur le compte de laquelle il m'est impossible de penser charitablement, même en ce jour. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de l'amitié que vous avez si généreusement accordée à un étranger, et j'espère que mon brusque départ ne me privera en aucune manière de votre confiance et de votre considération. Je vous demanderai la permission d'achever ma visite interrompue un peu plus tard, et je vous serai obligé de donner la meilleure explication possible de ma conduite à Mademoiselle Denison. Je reste, mon cher Sir Gaspard, toujours bien à vous, George Pauncefort. Hein ? Murmura le baronnet. Cela est plaisant. Une aimable veuve tombe avec un billet de logement chez quelqu'un avec des malles qui annonce au moins 6 semaines de séjour, et voilà qu'une dénonciation inattendue la désigne comme une personne peu recommandable. Et un jour de fête traditionnelle encore, que dois-je faire ? La congédier poliment ? Ce n'est pas possible de m'en débarrasser sans esclandre. Une femme qui s'est enfuie du domicile conjugal. Est-ce vrai ? Je me le demande. Oui, assurément, mon locataire est un gentleman. Il ne serait pas civil pour calomnier une femme. Aussi, pourquoi me lier avec des veuves aimables dans des endroits tels que Hombourg ? Cependant, je dois arranger les choses et lui donner son congé le plus vite que je pourrai. Les antécédents de cette femme ne sont pas entachés d'illégalité, c'est une lady après tout, quoique très mondaine. Marcia a beaucoup trop d'intelligence pour se laisser influencer le moins du monde, par n'importe quelle société. Il est donc inutile de mettre une hâte fiévreuse dans cette affaire. Pendant que Sir Gaspard réfléchissait ainsi en tenant toujours la lettre de Pauncefort à la main, la porte s'entrebâilla très doucement, et le froufrou d'une robe de soie trahit le sexe de la personne qui l'ouvrait. D'abord une tête s'avança et regarda dans la chambre, puis la porte s'ouvrit tout à fait, et Madame Harding apparut dans une splendide robe de velours rubis. Ses blanches épaules disparaissaient sous un châle de dentelle blanche, et des étoiles en diamant brillaient dans ses cheveux. « Je regardais pour voir si vous aviez fait votre sieste de l'après-midi, » dit-elle. « Je suis heureuse de vous trouver réveillée. » « Oh, cher sœur Gaspard, j'ai quelque chose de très sérieux et de très désagréable à vous dire. » « En vérité, » pensa le baronnet, « et moi aussi j'aurai quelque chose de très désagréable à vous dire, si je pouvais prendre mon courage à deux mains. » Mais il salua seulement en murmurant quelques paroles inintelligibles de simple politesse. Il la regarda même avec un air plus disposé à la critique qu'à l'ordinaire. Il n'avait jamais vu sa beauté plus éclatante qu'elle n'était ce soir-là. Ses joues semblaient animées d'un incarnat naturel, ses yeux étincelaient par l'effet de l'émotion et non de cet éclat affreux produit par la belle Adonne. Et outre cela, le baronnet la regardait avec un nouvel intérêt, inspiré par le contenu de la lettre de son locataire. Comme il aurait regardé avec le plus grand empressement une belle Française dans le bois de Boulogne, si on lui dit que c'était une grande coupable. « Cher sœur Gaspard, » dit la veuve en s'asseyant gracieusement dans le fauteuil en face du baronnet, « je vais vous faire toutes sortes de questions précipitées, d'indiscrètes questions. Trouverez-vous peut-être, mais vous penserez que j'ai quelques raisons de les faire. » Le baronnet salua avec un autre petit murmure poli. « Miséricorde, qu'est-ce que cette femme va me dire » pensa-t-il. Il n'avait pas remarqué que les yeux de Madame Harding s'étaient fixés un moment sur la lettre qu'il tenait à la main, ni le pincement de lèvres qui avait accompagné son regard. « Y a-t-il longtemps que vous connaissez M. Pauncefort ?» On ne pouvait surprendre souvent Sir Gaspard, mais cette question faite par la veuve avec un certain empressement et d'un ton qui indiquait qu'il y attachait de l'importance, le sortit de sa paisible sérénité. « Je ne le connais pas depuis très longtemps. » « Mais pourquoi me faites-vous cette question ? Je vous répondrai tout à l'heure, quand vous aurez répondu vous-même à une autre question. Monsieur Pauncefort, vous a-t-il été présenté par un de vos amis ? Non. Je le pensais bien, » s'écria la veuve. « Monsieur Pauncefort est mon locataire et c'est un gentleman. Ses manières me plaisent. Je considère son intelligence et j'aime sa société. Ai-je besoin d'attendre qu'un Smith ou un Brown de ma connaissance vienne me dire « Mon cher sœur Gaspard, mon ami Pauncefort se meurt d'envie de vous connaître. Voulez-vous me permettre de vous la présenter ?»« Sœur Gaspard Denison, monsieur Pauncefort. »« Monsieur Pauncefort, sœur Gaspard Denison. »« Éminemment fait l'un pour l'autre, je l'atteste. » »« Et ainsi de suite ?»« Non, madame Harding. Je choisis mes amis moi-même, et sous ma propre responsabilité, et je me suis rarement trompé. » Les yeux du baronnet se fixèrent très ardemment sur la veuve pendant qu'il disait ces mots. Sa figure se troubla un peu sous cet examen rigoureux, et son regard très assuré jusqu'alors se porta avec inquiétude sur la lettre que Sir Gaspard tenait à la main. « Je suis très fâché que vous ayez choisi M. Pauncefort pour votre ami, » dit très gravement Madame Harding. « Pourquoi cela ?»« Parce qu'il est indigne de votre amitié et incapable d'être admis dans la société de votre fille. »« En vérité, pourquoi indigne ? Pourquoi incapable ?»« Parce que ceux qui le connaissent savent qu'il est un mauvais homme. »« Un gentleman ne s'exile pas lui-même et n'abandonne pas ses compatriotes sans avoir des raisons suffisantes. » »« J'ai connu George Pansford avant qu'il quitte l'Angleterre, et ceux qui connaissaient les mystères de sa vie m'ont donné à entendre que lorsqu'il s'éloignait de son pays, il laissait un nom flétri derrière lui. « Mais quoi, au nom du ciel, qu'a-t-il fait ?» s'écria le baronnet en se relevant sur son fauteuil dans un extrême étonnement. « Que puis-je vous dire ? Une femme ne sait jamais le fin mot de ces sortes d'affaires. Mon mari était un homme du monde. Il connaissait la vérité, je n'en doute pas. Mais moi, je n'ai entendu que des insinuations et des allusions. Je ne puis vous en dire davantage. » Je pense que l'histoire était des plus communes, mais elle a eu pour résultat de chasser le principal acteur d'Angleterre, et même maintenant, en revenant dans son pays, il semble y être rentré seulement pour y chercher un endroit caché sûr. Sir Gaspard soupira longuement et regarda avec désespoir d'abord la femme qui était en face de lui, puis la lettre qu'il tenait à la main. Il y avait là deux dénonciations séparées, presque également vagues dans leurs affirmations, portées l'une contre l'autre, par deux personnes qui étaient également incapables, soit par volonté, soit par impuissance, de soutenir par aucun fait leurs accusations. Laquelle des deux fallait-il croire ? Telle était la question. « Ma foi, j'ai peur que Pansford ne soit le coupable, » pensait avec désespoir Sir Gaspard, puisque c'est lui qui a quitté le champ de bataille et tiré son gros canon d'une batterie masquée. J'en suis fâché. J'aurais préféré laisser cette frivole veuve s'en aller courir après la fortune que de perdre les soirées où j'argumentais avec un homme qui n'avait pas foi dans les encyclopédistes. Quel malheur d'être le père d'une fille non mariée. Si j'étais seul dans le monde, les antécédents de cet homme n'auraient pas la plus petite importance. Il pourrait à grand-peine s'introduire dans mon cabinet d'objets précieux pour me voler ma coupe de Cellini ou mes grands vases du temps de Cromwell. Et s'il faussait ma signature, l'homme qui aurait escompté le billet serait la première victime. Mais la société me rappelle que j'ai une fille, et que c'est pour elle et non pour moi que je dois choisir mes relations. » Madame Harding avait surveillé son hôte avec des yeux scrutateurs et pénétrants durant la courte pause pendant laquelle il s'était abandonné à ses réflexions. Il y avait eu plusieurs moments critiques dans la vie de la femme qui se faisait appeler Blanche Harding, mais jamais de plus critique que celui-là. Enfin, cette courte pause, qui sembla si longue, eut un terme. « Je serais très heureux si vous étiez un peu plus explicite, chère madame, » s'écria Sir Gaspard presque brusquement. « En toute chose, je déteste les accusations vagues qu'on ne peut ni prouver ni réfuter. Cependant, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter davantage au sujet de M. Pansford, car ce gentleman a quitté ma maison il y a 2 heures. Et il n'est pas vraisemblable qu'il y rentre pendant que vous me ferez l'honneur de rester sous mon toit. Maintenant, si c'est elle qui est coupable, pensait le baronnet, cela doit retomber sur elle un peu sévèrement. Je pense tout à fait comme vous, répondit la veuve avec triomphe. J'ai vu que M. Pansford me reconnaissait hier soir, quoique son affectation de ne rien savoir fût très habilement jouée. Vous devez avoir observé qu'il n'était pas tout à fait lui-même, soit à table, pendant le dîner, soit dans le salon. « Vous avez raison, madame, mon ami était sombre, » répondit Sir Gaspard, préoccupé. « Oh, il n'y a aucun doute, » continua-t-il mentalement, « c'est Pansford qui est coupable. Cette femme ne pourrait jamais emporter la position si audacieusement, à moins d'être passée maîtresse dans l'art d'une froide impudence. Et maintenant, cher Sir Gaspard, je dois vous demander 1000 pardons. Pour vous avoir ennuyé avec un sujet si désagréable, même au respect, mon affection pour votre douce Marcia, vous êtes trop bonne, s'écria le baronnet, interrompant tout à coup l'effusion d'excuses de Madame Harding. Oui, je commence à comprendre les embarras avec lesquels un homme a lutté quand il essaie de choisir ses amis pour lui-même, oubliant qu'il est embarrassé d'une fille non mariée. Ne parlons plus de cela, ma chère Madame Harding. Je vois que vous êtes habillée pour dîner. Et comme ma toilette n'est pas encore faite, mon cher Sir Gaspard, je vais vous laisser à l'instant, mais je vous en prie, dites-moi que vous ne trouvez pas ma démarche déplacée. Non, pas du tout, murmure le baronnet, en regardant d'un air pensif la lettre de son locataire. Madame Harding se leva, et avec une de ces révérences glissées que ses admirateurs trouvaient si attrayantes, elle déploya la splendeur de sa robe en velours rubis en sortant de la retraite de Sir Gaspard. Elle alla droit au salon, où elle trouva Marcia assise dans une attitude pensive, ayant son livre ouvert à ses pieds sur la peau de léopard, servant de tapis de foyer, juste comme s'il était tombé en glissant de ses genoux. Elle leva la tête au moment où sa visiteuse entra dans la chambre, et il y eut une légère ombre de désappointement dans son expression quand elle reconnut la dame en robe de velours rubis. « Ma chère madame Harding, quelle magnifique toilette » s'écria-t-elle, « et dire que nous n'aurons personne ici pour admirer cette toilette si exquise, excepté nous et M. Pauncefort. » « Non, même pas M. Pauncefort, » répondit la veuve gaiement. « M. Pauncefort a quitté l'abbaye. » « Nous avoir quittés, c'est impossible. Papa m'a dit qu'il devait passer quelques semaines avec nous. » Madame Harding leva les épaules. « C'est tout à fait possible, très cher Marcia, car pour quelques raisons suffisantes qui le concernent, M. Pauncefort a quitté l'abbaye cet après-midi. Pour tout de bon ?»« Je crois que oui. » »« Oui, je puis me hasarder à dire que je suis certaine qu'il ne reviendra pas, tant que je serai ici. » Marcia se retourna dans son fauteuil pour regarder plus attentivement son interlocutrice, qui était debout près d'une table à quelque distance d'elle et qui s'amusait insouciamment avec le dernier volume du lauréat, relié en magnifique maroquin blanc et or. « Madame Harding, » dit Marcia avec empressement, « connaissez-vous M. Pauncefort ?»« Je sais quelque chose sur lui. Mon mari le connaissait il y a 15 ans. À cette époque, j'entendais beaucoup parler de lui. Rien à son désavantage, je suppose ?» « J'ai le regret de dire que j'ai entendu beaucoup de choses à son désavantage. »« Avez-vous quelques raisons pour ne pas parler plus affirmativement, Madame Harding ?»« Je m'intéresse réellement à M. Pauncefort, et il me serait très pénible de le juger sévèrement. »« Que savez-vous à son désavantage ?»« Rien que je puisse vous dire, très chère Marcia. »« Je viens de voir tout à l'heure votre papa et je lui ai parlé très franchement de lui. »« J'étais très jeune, il y a 15 ans, et mon mari... » n'étaient pas de cette espèce d'hommes qui pensent qu'ils ont le privilège de souiller les oreilles de leurs femmes par des récits scandaleux qu'ils n'oseraient répéter en présence d'aucune autre femme. J'ai entendu condamner M. Pauncefort, mais ses torts n'étaient qu'indiqués. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de faire connaître à votre papa ce que je savais, et je n'en puis dire davantage. Je vous prie, cher, changeons de sujet de conversation, celui-ci est trop désagréable. « Trop désagréable pour être abandonné si légèrement, je pense, » répondit Marcia gravement. « Je serais très fâché de penser ainsi mal de M. Pauncefort. Je le plains tant de sa solitude, de sa pauvreté, qui semble celle d'un homme qui a jadis été riche. Et vous vous souvenez de ce que dit un auteur moderne de comédie française ? On s'habitue quelquefois à ne pas avoir d'argent, jamais à n'en plus avoir. La pauvreté d'un gentleman ruiné doit être très amère. Et j'ai souvent pensé que M. Pauncefort supportait très noblement sa position. Le volume qui était dans les mains de Mme Harding était ouvert au moment où Marcia disait cela, et elle baissait les yeux pour regarder ses pages en détournant légèrement sa figure de Mlle Denison. Il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à un sourire sur son visage durant cette petite dissertation sur la gêne de Pauncefort. « Il me serait difficile de penser mal de lui. » dit Marcia, très pensive. « Sûrement, madame Harding, vous ne pouvez pas considérer qu'il soit très juste de le condamner sous l'influence de quelques médisances passées, dont les détails vous sont absolument inconnus. »« Ma chère Marcia, » s'écria la veuve avec une délicieuse insouciance, « pour moi, je suis positivement assez facile dans mes opinions. J'ai vécu si longtemps sur le continent, vous savez, et j'ai connu tant de charmants artistes de la bohème, mais à cause de vous, j'ai considéré que je devais dire à votre papa tout ce que j'avais entendu dire contre M. Pauncefort. Et je dois dire que son brusque départ est bien fait pour confirmer la mauvaise opinion que j'avais de lui. » Mlle Denison ne répliqua rien à ce discours. Ses trépulsions indéfinies, cette vague antipathie qu'elle ressentait pour la magnifique femme que son père avait choisie et qu'il recevait, augmentait beaucoup et prévalait maintenant sur les sentiments de charité chrétienne avec lesquels elle avait essayé de les combattre. Il doit y avoir quelque raison à notre insurmontable aversion pour le docteur Fell, quelque coupable que nous nous sentions d'avoir égard à des préventions qui sont évidemment si mal fondées. Mais quand ce déplaisant docteur attaque l'ami que nous aimons, notre haine pour lui se multiplie tout à coup au centuple. Marcia essayait d'être très polie avec Madame Harding lorsque la conversation se porta sur des sujets généraux. Mais il y avait quelque chose de visiblement contraint dans sa politesse, que la veuve était beaucoup trop habile pour ne pas comprendre. Marcia ne recouvra pas sa gaieté habituelle pendant toute cette soirée de Noël. Elle resta assise dans sa chauffeuse près du feu, la figure à demi cachée par un écran indien fait de plumes de différentes couleurs, et s'abandonna à un silence rêveur pendant que la veuve amusait Sir Gaspard. Jamais cette dame n'avait pris tant de peine pour être aimable, et jamais elle n'avait mieux réussi. Sa vivacité était inépuisable, sa gaieté presque irrésistible, et le baronnet, pour lequel le plaisir du moment était tout, s'abandonna à son enjouement et se décida à croire le récit de Madame Harding plutôt que la dénonciation de la lettre qui était dans sa poche. Rien ne pouvait être plus complet que le triomphe de la veuve sur son ennemi. Il était très tard dans la soirée, lorsque Marcia se trouva à la fenêtre de son cabinet de toilette, regardant la vaste étendue de la pelouse, la majestueuse avenue, et les bois éloignés dont l'aspect paraissait blafard et sombre à cette pâle lune d'hiver. Au loin, au milieu de ces bois, un homme veillait peut-être, solitaire, sans amis, sans espoir, assis seul près d'un triste foyer, moderne Marius parmi les ruines de sa vie brisée. Quelle espèce de bassesse avait pu souiller sa vie? Était-ce par honte, aussi bien que par pauvreté, que le locataire de Sir Gaspard était venu se cacher dans les tranquilles profondeurs des bois de Scarsdale? « Je ne puis me décider à penser de lui rien autre chose que ce qu'il me paraît, » disait intérieurement Marcia en réfléchissant profondément, la tête appuyée contre le large châssis de la croisée et les yeux fixés sur le clair de lune qui s'étendait au loin. « Je ne puis rien penser si ce n'est que c'est un gentleman intelligent, ayant l'orgueilleuse humilité d'un noble sang, la philosophie calme d'un savant et d'un chrétien. Je ne peux pas accepter les calomnies répandues sur lui par une femme dans laquelle je n'ai nulle confiance. Non, je ne croirais pas mon meilleur ami, je pense, s'il me parlait mal de George Ponsford. Ce n'est que de ses lèvres que je pourrais croire à l'évidence de sa bassesse. »